17e chapitre. Les barricades de la mort. La sanglante tragédie était terminée. On avait jeté dans une fosse les cadavres des prêtres, puis ceux des gardes de Paris, et la foule, ivre de sang et de haine, quitta l'enclos sinistre. L'acte audacieux commis par Jean Machut lui aurait sans nul doute attiré l'accusation de trahison, que n'eût pas manqué de suivre un châtiment rapide, si, à peine revenu au milieu des fédérés, Radecave n'eût, avec une grande rapidité de coup d'œil et une indomptable énergie, indiqué le plan de la lutte suprême. Le champ de bataille reculait à mesure que grandissait la libération de Paris par l'armée. Il ne s'agissait plus de construire des barricades en arrachant des pavés, il fallait trouver des barricades toutes faites, découvrir un espace assez vaste pour contenir un nombre considérable de combattants et disposer de telle sorte qu'on y pût organiser une défense désespérée. Les fédérés cherchaient vainement de quel côté masser les dernières forces quand Jean Machut reparut au milieu d'eux. Au murmure de réprobation qui se fit entendre, il répondit « Je sais ce que vous allez dire. J'ai sauvé un prêtre, soit. » C'était mon idée, mais le premier qui m'accuse d'avoir trahi la cause de la commune, je lui casse la tête avec mon revolver. Si ça tente quelqu'un d'entre vous, qu'il s'avance. » L'air déterminé de Jean Machut fit reculer les plus hardis, et le forçat reprit. « Vous êtes démonté, pas vrai? Vous entendez le roulement de la fusillade, et vous savez que votre tour va venir. Pour des gens comme nous, le jugement ne sera pas long. Collé au mur et pif-paf, nous ne l'aurons pas volé, mais il y en a qui aimeraient mieux autre chose. Mourir pour mourir, mieux vaut se défendre, rendre balle pour balle et coup pour coup. Nous sommes vaincus, ayons le courage de finir en bon communard. Il nous faut pouvoir tirer, non pas en bataille rangée, car on aurait trop vite fini, mais comme les braconniers dans les bois, les tirailleurs le long des haies, et je sais quel sera le théâtre de notre dernière lutte. Voulez-vous me suivre ? Oui, oui, répétèrent 20 voix. Eh bien, mes enfants, au Père Lachaise ! Les tombes nous serviront de barricades. Au Père Lachaise ! Répéta la foule comme un écho. La motion de Machut fut considérée comme un trait de génie. En une heure, une troupe de fédérés, résolus à mourir, envahit le cimetière. On y braqua les derniers canons de la commune, et l'on se tint prêt à défendre jusqu'à la mort le dernier rempart de l'insurrection. Après avoir accompli tant de sacrilèges, les fédérés allaient consommer le dernier en continuant dans le champ des morts leur lutte fratricide. Elle devint plus épouvantable encore que dans la rue. Les soldats ne tardèrent pas à emporter d'assaut le cimetière, et la mêlée prit des proportions inouïes. On ne luttait plus, on se massacrait. Les fédérés, n'espérant pas de quartier, se battaient avec rage. Les soldats, exaspérés par la perte des leurs, indignés d'avoir à lutter contre de tels bandits, avançaient toujours, amoncelant les cadavres derrière les sépultures. Chaque chapelle était devenue une forteresse. On tirait des fenêtres. Quand les fusils se brisaient, les revolvers broyaient les crânes et les poignards trouaient les poitrines. Le sol était une boue sanglante dans laquelle glissaient vainqueurs et vaincus. Les munitions manquaient. Les canons cessèrent de faire entendre leur voix tonnante et ceux qui les servaient tombèrent, écrasés par la mitraille, sur les caissons vides de poudre. Un seul groupe résistait encore. Il se composait d'une vingtaine d'hommes, au milieu desquels se trouvait Jean Machut, dit Radecave. Tant qu'il eut une cartouche, il la brûla. Quand il ne lui fut plus possible de tirer, il prit son fusil par le canon et s'en fit une massue. Un soldat le lui ayant arraché des mains, Jean Machut ramassa un couteau à terre et bondit sur celui qu'il avait désarmé. Il n'avait d'autre espoir que celui de remporter une nouvelle, une dernière victoire. Atteint d'une balle au bras droit, il tenta encore de se battre de la main gauche, mais un revers de crosse s'abattit contre sa poitrine, un flot de sang jaillit de sa bouche, dont la moitié des dents était brisée, et il tomba à la renverse sur un monceau de cadavres de fédérés et de soldats. Quatre de ses compagnons s'enfuirent au hasard, espérant vainement échapper aux soldats. Deux autres ouvrirent leur habit et coururent au-devant des balles. Une décharge de mitraille balaya les derniers. Une minute après, le silence se faisait dans le cimetière. Les bandes de prisonniers, la colère dans le regard, le blasphème aux lèvres, passaient au milieu des soldats et quelques brancardiers cherchaient les blessés, respirant encore. Il faisait nuit noire quand Jean Machu retrouva le sentiment de l'existence. Brisé dans tous ses membres, le front traversé d'une coupure de sabre, la poitrine broyée, le misérable ne se faisait point l'illusion d'échapper à la mort. Il ne la redoutait même pas, car la vie ne pouvait rien lui donner qu'il ne connût, et, à cette heure, le dégoût du passé lui montait aux lèvres. Dans sa tête affaiblie passèrent, semblables à des visions, les souvenirs de toute son existence. Il eût voulu fermer les yeux pour ne plus voir, se boucher les oreilles pour ne plus entendre. Il devait voir, il devait entendre, et cette hallucination qu'il prenait pour la fièvre engendrée par ses blessures ne tarda pas à se changer en une horrible torture morale, mille fois plus grande que ses douleurs physiques. Il se revit enfant dans un grand bois rempli de mousse sur laquelle il se roulait à loisir et peuplé d'oiseaux que privait sa mère, une jolie paysanne active et laborieuse qui trouvait toujours au milieu de sa pauvreté une bonne parole pour les affligés et un morceau de pain pour les mendiants. Son père était bûcheron dans la forêt. C'était un rude métier, mais qui gardait aussi des compensations charmantes. Il fallait voir à midi comme Michel Machu jetait sa cognée en voyant arriver sa jeune ménagère. Celle-ci s'asseyait sur un tronc d'arbre, découvrait le panier contenant la soupe fumante, le vin, la viande appétissante, les beaux fruits rouges. Tous deux prenaient ensemble leur repas, tandis que l'enfant sautait comme un cabri et chantait avec les loriots. Puis le père soulevait le petit gars sur son épaule, le faisait jouer sur ses genoux, lui cherchait des nids. Ils revenaient tous les trois le soir sous les ombres flottantes des branches. La cloche tintait tout au haut de la tour du village. Le père levait son chapeau, la mère faisait le signe de la croix, et l'enfant se recueillait en face du recueillement des siens. Oui, ce furent de belles et bonnes journées que celles passées dans les bois tandis que la hache du bûcheron gagnait le pain de la famille. La scène changea subitement pour Jean Machu. Il se trouva, une après-midi, dans la salle basse de la petite maisonnette. La mère savonnait en fredonnant une chanson du pays. Tout à coup, deux voisines entrèrent dans la chaumière. Leurs visages étaient pâles, leurs yeux rouges. Elles prirent les mains de la jeune femme et répétèrent « Pauvre Mathurine, pauvre Mathurine !»« Il est arrivé malheur à Michel, » répondit la paysanne en se reculant. « Oui, » répondit une des voisines, « un grand malheur. » La seconde femme saisit Jean dans ses bras et l'embrassa en murmurant « Pauvre orphelin !»« Mon homme est mort ?» demanda Mathurine avec égarement. « Hélas, guère ne s'en faut. « Où est-il ? » demanda Mathurine. « Où est-il ? » ?»« On vous l'apporte, » fit une des voisines en ouvrant la porte toute grande. Quatre hommes parurent. Ils portaient une civière. Dessus était un corps immobile enveloppé de linge sanglant. Mathurine se jeta sur son mari, l'étreignit avec une tendresse puissante, désolée, et attendit un mot, un soupir, un regard. Michel semblait déjà mort. On le plaça sur le grand lit, et au bout d'un quart d'heure, il ouvrit les yeux. À la vue de Mathurine en larmes, il referma ses paupières, comme si la force lui manquait pour soutenir le spectacle de cette douleur. Puis, voulant remplir sa pensée et son cœur de ses chers visages et emporter dans l'éternité le souvenir de ses bien-aimés, il attira près de lui sa femme et son enfant. « Ne pleure pas, » dit-il, « je m'en vais. Tu as été une compagne fidèle, douce et bonne. Tu m'as fait la vie facile et rien ne l'a jamais troublée. C'était trop beau, Mathurine. Je m'en vais. » Il serra les deux mains de sa compagne sur ses lèvres, puis il fit placer Jean sur le lit, tout près de ses lèvres, tout près de son cœur. « Tu ne me reverras plus, Jean, » dit-il. « J'aurais voulu vivre jusqu'à ce que tu fusses un homme, t'apprendre la probité, le travail, comme ta mère t'eût enseigné la foi. Le bon Dieu ne veut pas, il faut se soumettre. Souviens-toi de mes dernières paroles. soit bon fils, soit honnête homme. Il se fit une lacune dans les souvenirs de Jean Machut. Vaguement, il se souvenait d'avoir vu sa mère vêtue de noir. Elle pleurait beaucoup. Hélas, elle ne regrettait pas seulement le compagnon de sa jeunesse, le bon mari qu'il avait aimé. Elle versait des larmes sur son enfant. Jean Machut aimait encore les bois, mais il n'y travaillait pas au grand air, en plein soleil, comme son père. Il le hantait la nuit, à la façon des loups. Blotti dans des fourrés, il attendait le passage du gibier, tendait des collets, préparait des pièges, faisait même au besoin le coup de feu contre les chevreuils. Il n'avait point retenu les conseils de son père à l'agonie et ne suivait point les avis de sa mère qu'il désespérait. Nature rebelle au bien, farouche et dure, il se raillait des larmes de Mathurine. En vain, à défaut de tendresse pour elle, de respect pour l'honneur de son nom modeste, essaya-t-elle de faire vibrer dans l'âme de l'indocile enfant la corde de la terreur. Jean se moqua des gardes et des gendarmes et continua son train de vie. Le garde champêtre, un brave homme, prévint deux fois Mathurine qu'il serait obligé de dresser un procès-verbal pour fraude, vexations et rapines. La mère ne gagna rien sur l'indomptable caractère de son fils. Elle pleura et pria davantage, voilà tout. Une nuit, elle entendit du tapage dans les bois, puis des sabres cliquetèrent près de sa porte. On heurta vivement à lui, c'est la veuve, vit Jean, son bien-aimé Jean, les menottes aux mains, le regard sombre. Pris en flagrant délit de braconnage, il avait lutté contre les gendarmes, et l'un d'eux portait à la main la trace d'un coup de couteau. « Grâce, grâce, messieurs !» demanda la mère en tombant à genoux. « Écoutez, répondit le brigadier blessé, s'il ne s'agissait que de moi, je relâcherais ce garnement, si mauvais qu'il soit, mais j'ai mon devoir à remplir, il faut que je l'emmène. Je pouvais vous permettre de lui dire adieu, et je le fais, parce que vous êtes une brave femme et que Michel Machut a laissé de bons souvenirs dans le pays. « Et où donc l'emmenez-vous ? » demanda Mathurine. « À la prison. »« Jean ! » dit la malheureuse femme en tombant sur une chaise. « Jean, tu m'as tuée. » Ah, comme Jean se souvenait de cette nuit-là. C'était le premier pas dans cette voie de crime, d'accusation, de châtiment qu'il avait depuis toujours suivi. Il ne se disait pas, précoce bandit de 15 ans, que la loi en le châtiant lui laissait le moyen de redevenir honnête homme. Il ne songea pas une minute à racheter, à force de repentir, la faute de sa jeunesse. Il voua à cette heure une haine mortelle à la société qu'il venait d'outrager et se jura de lutter sans trêve contre ses lois. Le temps le traîna dans la maison de correction. On lui apprit un jour que sa mère était morte. Il tressaillit au-dedans de lui-même. Si mauvais qu'il fût, ce fut un déchirement. Mais ses camarades dissipèrent vite l'impression de regret qui aurait pu agir sur lui d'une façon salutaire. Ils lui racontèrent tant de bons tours joués à l'autorité, énumérèrent tant de projets pour l'avenir que Jean Machut n'eut bientôt plus devant les yeux qu'une date flamboyante, celle de sa libération. Elle sonna, il se retrouva libre, quelques sous tintaient dans sa poche. Il savait un état et pouvait gagner sa vie. Mais la paresse lui semblait préférable au labeur. Et d'ailleurs, tant qu'il avait de l'argent, à quoi bon s'occuper d'en gagner? Des camarades le rencontrèrent. On le conduisit dans des bouges, et pendant plusieurs jours, il courut tous les mauvais lieux de Paris. Au bout d'une semaine, ses velléités de travail avaient fait place à la résolution de vivre sur le pavé, sans exercer d'autre état que celui de n'en point avoir. Il ne lui répugnait pas d'ouvrir des portières, de ramasser des bouts de cigares, de faire une commission, de vendre des cahiers de papier à lettres ou des bougies pour les fumeurs. Mais il s'approchait souvent trop près des étalages des boutiques, et si l'on avait pénétré dans la mansarde qu'il partageait avec un camarade, on aurait pu à bon droit être étonné du singulier amoncellement d'objets qui s'offraient au regard. Des jambons, des souliers neufs, des pièces d'étoffe, des pelotes de laine, des vêtements confectionnés, des boîtes de cirage, tout cela se confondait dans un pittoresque désordre jusqu'à ce que Mathusalem, un brocanteur de la rue Gillecoeur, vint débrouiller ce chaos en l'emportant en échange de quelques pièces de 100 sous. Un soir, Jean Machu et son camarade de chambrée firent une orgie. Au retour, le temps étant pluvieux et la force leur manquant pour festonner le long des murs, ils hélèrent un cocher et lui donnèrent une adresse qui fit hocher la tête à l'automédon. Arrivé en face d'une maison d'apparence douteuse, ils lui crièrent d'arrêter, descendirent de voiture et retournèrent leur poche pour y trouver le prix de la course du cocher. Rien, ils n'avaient plus rien. Jean Machu poussa le coude de son camarade et comme le cocher était descendu pour ouvrir la portière et recevoir son argent, Jean le bâillonna en un tour de main, tandis que son compagnon frappait le malheureux en pleine poitrine, arrachait sa bourse de sa poche, poussait Machu dans la voiture, sautait sur le siège et fouettait les chevaux. Le lendemain, avec l'argent de la voiture, tous deux faisaient bombance. Mais 3 jours plus tard, la police, descendant dans un bouge infâme, fit une rafle de tous ceux qui s'y trouvaient, et Jean Machu dit Radecave se trouva du nombre. Cette fois, ce fut la cour d'assises, le ferrement, le départ de la chaîne, le bagne. Au bagne, l'accouplement, la manille, le bonnet rouge, les gardes-chiourmes, le labeur forcé. Alors germa dans la tête du forçat cette idée qui ne le quitte plus jamais quand elle y est entrée, l'évasion. Celle de Jean Machu fut un tour de force. Il l'accomplit dans des circonstances étranges et l'histoire de sa fuite défraya longtemps les récits de la chambrée. Il se vit escaladant une muraille à l'aide d'un couteau, puis, suspendu au-dessus de l'abîme par une mince cordelette, poursuivi par les chasseurs de forçats, nageant vers la côte par une tempête furieuse, puis tombant épuisé dans une cabane dont un jeune homme à physionomie angélique lui ouvrait la porte. « Sulpice, l'abbé Sulpice !» murmura le blessé. Oh, comme les détails de cette veille restaient présents à sa mémoire! Avec quelle sollicitude le jeune prêtre avait réchauffé son corps engourdi, de quelle main fraternelle il lui avait offert les secours nécessaires pour son voyage! Et ce ne fut pas tout. Dans cette chaumière, à la porte de laquelle pouvait à chaque minute heurter la gendarmerie, il avait parlé d'espoir, de repentir et d'honneur à ce forçat en rupture de ban. Il avait fait plus. Une lettre de chaleureuse recommandation permettait à Jean Machu de changer de vie. L'avenir pouvait être heureux. Un nom nouveau, une condition honnête, masquait l'évadé du bagne de Brest, de telle sorte que, pour tous, il devint méconnaissable. Subjugué par l'autorité du prêtre, vaincu par sa bonté, Jean Machu promit. Il essaya même de tenir sa parole et se rendit à la fabrique, dont le propriétaire l'accueillit sur la recommandation de M. l'abbé Pomereul. Mais un rôdeur de grande route le reconnut, lui emprunta ses économies, menaça de le dénoncer s'il ne fournissait à ses dépenses, et Jean Machu s'enfuit de la manufacture où l'on pouvait apprendre son véritable nom. Tandis qu'engourdi par ses blessures, il demeurait immobile, il se retrouvait dans le lointain de cette journée, assis sur le talus d'un fossé, se demandant la tête dans ses mains ce qu'il allait devenir. Mieux valait se jeter tout de suite dans la fournaise et arriver à Paris. Quand il y vint, sa première visite fut pour Mathusalem. Celui-ci l'accueillit avec les honneurs dus à un forçat assez adroit pour s'être évadé et le mit en rapport avec d'habiles filous. À cette époque, déjà, le crime changeait non pas de nature, mais de manière dans sa perpétration. Les assassinats isolés semblaient de mesquines entreprises. Les chemins de fer ayant supprimé l'arrestation des diligences, on cherchait à monter de grands coups. Le vol s'élevait à la hauteur d'une société en commandite. Le degré de scélératesse indiquait les grades. Jean Machu, dit Radecave, fut enrégimenté dans une troupe composée des éléments les plus hétérogènes. Il avait sous ses ordres des jeunes gens traduisant Virgile et sachant Horace par cœur. Il tutoyait des employés de ministère qui, après avoir raflé le papier et les plumes de leur bureau, ajoutaient à cette industrie des vols plus raffinés. Machu connut Fleur d'échafaud chez Mathusalem. Ce fut Marc Mauduit qui prépara le vol chez le négociant Pomereul grâce aux facilités que lui donnait sa charge de secrétaire. Ah, quelle nuit que celle-là! Jean Machut voyait se succéder les scènes de ce double crime, comme s'il assistait à la représentation d'un drame. Ils entraient, lui et Fleur d'Échafaud. La porte de la caisse ouverte par un autre leur montrait un amas de billets de banque. Puis tout à coup un homme paraissait. Il fallait tuer, tuer encore. Et les doigts de Jean Machut serraient le cou du vieillard, tandis que Liplap, la bête fidèle, tombait, la poitrine trouée par le poignard de Fleur d'Échafaud. Puis les complices fuyaient sans perdre une minute. Ils laissaient le cadavre de l'homme déjà raidi, celui du chimpanzé se tordant dans les spasmes de l'agonie, et ressortaient. Du bruit, on entrait, on montait l'escalier. Sulpice, l'abbé Sulpice. Il se passa alors dans le cerveau affaibli du forçat une révolution soudaine. Ce nom le galvanisa au lieu de l'épouvanter. Il se trouvait seul, tout seul dans ce grand cimetière qui n'était plus qu'une vaste tombe et dont les pierres disparaissaient sous le fardeau des cadavres dont on les avait chargés. Il venait de repasser toute sa vie, vie de honte, de crime, dans laquelle la boue et le sang se mêlaient. Autour de lui les ténèbres, au loin, perçant l'obscurité, les points rouges des feux de bivouac des soldats. Jean Machut se rappela soudain les conseils de son père expirant, le son des cloches du village, les exhortations suprêmes de l'abbé Pomerol, quand le forçat, abusant du pouvoir dont la loi religieuse arme le pénitent, avait scellé les lèvres du fils sur l'assassinat du père. Et puis, au fond, Jean Machut pouvait-il certifier qu'il n'y eut rien au-delà de cette vie? L'abbé Sulpice croyait en Dieu, puisqu'il gardait d'une façon si inviolable le secret de la confession. Dans l'âme du bandit, du sacrilège, du meurtrier, germa une bonne pensée. « Si je rendais l'honneur à son frère, » se dit-il. Cette idée grandit et le domina bientôt. Seulement, il se demandait s'il lui serait possible de la mettre à exécution. Il faudrait pour cela quitter le cimetière, passer au milieu de groupes de soldats échelonnés dans tous les quartiers. « Si je changeais d'habit, » pensa Machut. Il tira d'abord sa vareuse, banda son bras avec son mouchoir et étendit les bras autour de lui. Il reconnut, au toucher, l'uniforme d'un soldat de la ligne. Avec une lenteur de mouvement justifiée par ses nombreuses blessures, il enleva un à un les habits du soldat. Plus lentement encore, il cacha les siens, et quand il fut parvenu à se vêtir de l'uniforme qu'il souillait de son contact, une sueur froide, produite par l'épuisement, lui couvrit les tempes, et il retomba en arrière. « Je ne pourrai jamais, » murmura-t-il. Il essaya de se soulever, cependant, et il y parvint avec des peines infinies. Alors, s'appuyant sur les dalles de marbre, s'accrochant aux balustrades, aux croix, il gagna une des longues allées du cimetière. À quelque distance, le feu des bivouaqueurs le guidait. Ses jambes faiblirent, il tomba sur les genoux, puis il rampa sur le sol. Lentement, lentement, il avança. Quand il se trouva assez près pour être entendu, il appela d'une voix mourante. Un soldat l'entendit, accourut, et on le transporta près du feu. Quelques gouttes d'eau-de-vie le ranimèrent, et, quelles que fussent ses craintes et ses souffrances, il tomba dans une sorte de sommeil qui ressemblait à un évanouissement. Quand il ouvrit les yeux, des voix amies l'encouragèrent. Il détourna son visage des visages honnêtes qui se penchaient vers lui et murmura d'une voix affaiblie « Camarade, chaussée d'Antin, l'abbé Pomerol. » « Tiens, » dit un des soldats, « celui qui a si bravement relevé les blessés sous le feu de la bataille de Buzenval, vous voulez qu'on vous mène chez lui ?» Jean Machut fit un signe affirmatif. « Eh bien !» Comme les hôpitaux sont pleins, vous serez servi tout de suite. Le premier brancard qui passera sera pour vous. » Quelques instants après, Jean Machut, étendu sur une civière, à demi-mort et se demandant s'il aurait le temps de réaliser son projet, était conduit par deux brancardiers rue de la chaussée d'Antin. Il avait par pudeur ramené l'un de ses bras sur son visage, et tandis qu'il passait, plus d'un honnête bourgeois croyant voir en lui un des soldats de notre héroïque armée se découvrait avec respect. Sulpice, Xavier et Sabine se trouvaient réunis au premier étage de l'hôtel quand le concierge monta l'escalier tout effaré et dit quelques mots à Baptiste qui, à son tour, se précipita dans le cabinet. « Que voulez-vous ? » demanda l'abbé Pomerol. On amène un blessé ici. Un blessé ? Oui, monsieur l'abbé, un soldat. Allons, dit Sulpice à Sabine. Ta tâche recommence. Puis, se tournant vers le valet de chambre, qu'on le monte ici tandis que l'on préparera son lit. Peu d'instants après, les brancardiers apportaient la civière dans l'ancien cabinet de monsieur Pomereul. À peine les porteurs, largement récompensés par Sulpice, se furent-ils retirés que le blessé se souleva sur la civière. Le prêtre, Xavier et Sabine l'entourèrent, mais subitement le visage de Sulpice devint livide et le regard du mourant jeta des éclairs. « Ici, fit-il, on m'a amené ici. Ah, je reconnais bien l'endroit, allez, la caisse ouverte, la porte par laquelle il entra, et là, là, la place où je l'ai frappé. « Que dit-il ? » demanda Xavier. « Il déraisonne, répondit l'abbé Sulpice. « Laissez-moi seul avec lui. Il faut bien que je sauve cette âme. Dieu me la doit. » Sulpice dit ces mots avec une expression de ferveur si grande que le visage de Jean Machu changea encore une fois d'expression. « Oui, dit-il, je vous la porte. Je me sens vaincu. Mademoiselle, donnez-moi ce qu'il faut pour écrire, je vous prie. Et vous, monsieur, ajouta Jean Machu avec effort, restez. J'aurai tout à l'heure besoin de votre pardon. » Sans savoir pourquoi elle obéissait à l'ordre de ce mourant, sans rien comprendre à ce qui se passait autour d'elle, Sabine prit une feuille de papier sur le bureau, puis un buvard. Elle s'agenouilla près de la civière en face du moribond. L'abbé Sulpice le soutenait dans ses bras. Jean Machu traça quatre lignes d'une main défaillante, puis il retomba en arrière, brisé par la douleur. Sabine voulut relever le blessé. Il lui adressa un tel regard que la jeune fille se rapprocha davantage. « Je n'ai pas encore signé, » murmura-t-il. Ses doigts tenaient la plume avec peine. Il traça quelques caractères informes dans lesquels, cependant, on pouvait reconnaître le nom de Jean Machu. Puis le moribond fit signe à Xavier de prendre le papier. Celui-ci lut d'abord sans comprendre. Puis soudain, un rayonnement de joie surhumain passa dans ses yeux et il tomba à genoux devant son frère. « Pardonne-moi, » dit-il, « je ne pouvais être à la hauteur de ta vertu. » Sulpice attira Xavier dans ses bras, l'étreignit rapidement sur sa poitrine et, tirant un crucifix de son sein, l'approcha des lèvres du condamné. « Mourez en paix, » lui dit-il, « au nom de mon Dieu, supplicié pour le salut du monde, mourez en paix. L'effusion de son sang suffit pour laver tous les crimes. « Pas les miens, » dit Jean Machu. « Ma vie n'a été qu'une suite de forfaits. Ma mort ne saurait expier ma vie. Vous qui vous penchez vers moi, vous portez au front la cicatrice d'une blessure que je vous ai faite, et vous ne me maudissez pas. Si vous avez attenté à ma vie, vous avez accompli aujourd'hui un acte presque héroïque. « Je vous pardonne en mon cœur. »« Et votre frère et votre sœur ?»« Nous sommes chrétiens, » dit Sulpice. Alors, avec une patience admirable, une onction, une charité sublime, l'abbé Sulpice apaisa les terreurs du malheureux. À peine l'absolution fut-elle descendue sur ce grand coupable que Jean Machu poussa un grand soupir, et ce soupir fut le dernier.